boy Black. Okay. Okay. Cette fois, je n'en laisserai pas là. Ça fait trois fois que je te prends à ce jeu-là. Dis-moi si entre elle et toi, il est question d'amour. Jamais. Dis-moi si elle te fait aussi bien l'amour. Ooh. Ok, parfois, tu es un véritable amour. C'est pour la life, les autres c'est pour la night. Je t'ai dans la tête, je t'ai dans les veines. Mais pour l'instant, je veux que tu sois mon amour. Je t'ai dans la tête, je t'ai dans les veines. Mais pour l'instant, je ne te vois qu'en amant. Je t'ai dans la tête, je t'ai dans les veines. Mais pour me voir, y a du champagne au frais si tu veux bien le boire. On fera des bêtises si tu viens soir. Tu sais que t'es la seule quand tu veux bien croire. Non. Ah ouais, c'est ce que tu dis quand tu sais que c'est moi le bon. Mes potes commencent à me dire, yo Kenty, c'est toi le con. À ce qui paraît, t'enchaînes les rendez-vous sur les champs et tu dis que t'as pas le temps. Ok. Mais dis-moi, Fanny, t'es ok. Tu connais le boy Black, j'suis toujours OP. Player depuis l'époque de Kassav ou Jassav, pas besoin de me peloter. Je veux dire piloter, hey. C'est sex on the beach, je en train de siroter, hey. Avec la policière, j'ai fini minoter, hey. Nous menons menoter, toi et moi c'est pour la life, Les autres c'est pour la night, donc vous passe. Je m'en irai, loin de toi, et je continue, reste sans toi, car je me lasse de tes chéris doudou, je t'aime. Que je te donnerai tout.